0.02, calibre 420. Hard rock. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage dans un monde d'extase où les gens voient des mirages. Bienvenue dans la triste réalité où tout le monde boit, fume pour pouvoir soulager. Spliff et alcool, ça fait tourner la tête. Mais quand le chimique s'en mêle, les neurones font la fête. Arrête ça avant de finir maso. Arrête ça car tu deviendras barjo. De plus en plus de jeunes en sont contaminés. Ils voient l'avenir en rouge, couleur ponche, goyavier. Tu ne discernes plus rien dans ton nuage de fumée. Où est donc passé ta vie? C'est trop tard, tu l'as fumé. Tu t'es vu quand d'habit, quand t'en consommes avec abus. Une gorgée de plus, tu peux finir mal. À 200 km à l'heure, écrasé contre un bus. Alors ouvre les yeux, je ne peux plus rien dire de plus. Réalité ou fiction, ne discerne plus. Trop laisser aller, t'en deviens accro. T'es bon, chat tes yeux, le bien des inconnus. À la longue, c'est sûr, tu te retrouveras en solo. Réalité ou fiction, ne discerne plus. Trop laisser aller, t'en deviens accro. T'es bon, chat tes yeux, le bien des inconnus. À la longue, c'est sûr, tu te retrouveras en solo. Et même regarde-toi, t'es plus toi-même. Tu discernes pas le vrai du faux. Pour prononcer des mots, le chica est en toi, pour toi, ta force à toi. Hallucination massive, sous l'emprise des chimiques. T'as des mimiques, tactiques, tout cassé, mais y'a les hic. Tout toi, tunique, pouvant casser la voiture d'un des proches. Mais le lendemain, tu te sens moche d'avoir réagi ainsi. Pour cause un genre de produit mal assimilé, quel marlin incarné. Y'en a qui supportent les effets, y'en a qui supportent pas, c'est ça. J'en parle en connaissance de cause, en voyant un de mes potes qui a trop en consommé. Suite pas tranquille, conséquence le port. Se retrouve à l'asile, ouais, le pauvre. Se retrouve à l'asile, ouais. Réalité ou fiction, ne discerne plus. T'en laisser aller, t'en deviens accro. T'es proche à tes yeux, deviens des inconnus. À la longue, c'est sûr, tu te retrouveras en solo. Réalité ou fiction, ne discerne plus. T'en laisser aller, t'en deviens accro. T'es proche à tes yeux, deviens des inconnus. À la longue, c'est sûr, tu te retrouveras en solo. Ça là commence l'école. Où est un gars sérieux, bouteille à défiler, commence mal tourné. Tes gains puis en passé, son présent tes pieds écrits. Son fichier ta pile ou face, mais lit tes préfères fait face. Extontivé à la rac, son vilain ni plate. Tout ça pour un gosé, donne un petit verre à la rac. Estelle il est tout seul, un malade alcoolique. À la comment la rac, il rend à Ouga. Un habit dangereux pour la santé, mais il va en liberté. La touche de diamant, danger égal à mort. Alors pourquoi diamant, pourquoi égard? Vendre en liberté, appelle comme ouvé, le rhum, la rac, l'alcool, tout ça les poison, il casse toute famille, ou de ville est dégrenée, ou de se mémoriser, ou fait n'importe quoi. Réalité ou fiction, ne discerne plus, t'en laisser aller, t'en deviens accro, tes proches à tes yeux, deviens des inconnus, à la longue, c'est sûr, tu te retrouves en solo. Réalité ou fiction, ne discerne plus, t'en laisser aller, t'en deviens accro, tes proches à tes yeux, deviens des inconnus, à la longue. Par la loi, affublé, critiqué, associé au hors la loi. Pour eux, c'est l'image parfaite d'un Salvadorien. Pour eux, c'est l'image parfaite d'un Somalien. Fumer n'est pas défendu. Exagération, ce serait de l'abus. Car tu t'es déjà vu quand t'as trop bu. Des yeux rouges en prime, avec un peu trop de frime. Des visions où tu tournes de Catherine. C'est pas grave, tu penses que t'es clean. Le lendemain, et ce qui s'est passé, tes amis te racontent comment ils se sont marrés. Tu ne préfères plus montrer le bout de ton nez. Et tu te promets d'être plus jamais j'y toucher. Réalité ou fiction, ne discerne plus. T'en laisser aller, t'en deviens accro. Mais proche à tes yeux, ne deviens des inconnus. À la longue, c'est sûr, tu te retrouveras en solo. Réalité ou fiction, ne discerne plus. T'en laisser aller, t'en deviens accro. Mais proche à tes yeux.